Cela ne faisait même pas 10 minutes que Jennifer était sortie de son cours de clarinette, que déjà elle dut subir, comme tous les jours, les interpellations incessantes d'arabes en chaleur. La ville n'était certes pas un coupe-gorge intégral, mais les bougnoules ne font pas que couper des gorges. Ils sucent également des bites, ce qui se manifeste par ailleurs par l'irrésistible décompensation consistant à manifester bruyamment une hétérosexualité fantasmée. Par intuition féminine, Jennifer n'y prête par conséquent guère attention en règle générale. Mais son atavisme celtique semblait lui intimer de presser le pas durant ce soir de l'Halloween. Ce d'autant plus qu'une ombre semblait la suivre sur le trajet vers sa maison de banlieue. Et qu'elle avait ses règles, ça coulait dans les chaussures. C'est sous des teintes célestes crépusculaires qu'elle ne parvint pas à rattraper le dernier bus de la journée pour cause de grève contre les bougnoules. S'ensuivit fatalement le ratage de sa correspondance, puis de la correspondance de celle-ci. La pauvre Jennifer accéléra donc le pas, désemparée car contrainte de rentrer par ses propres moyens, alors même que l'ombre de ce tantôt rôdait toujours comme une menace sinistre sur l'asphalte. N'en pouvant plus, elle se retourna et aperçut avec horreur un bougnoule marchant dans sa direction d'un pas assuré. Il faisait maintenant très nègre dans la ville alors que la nuit et le brouillard s'installaient, laissant à peine transparaître parmi les brumes le visage de l'incontinent admirateur qui s'époumonna d'une voix vicieuse nasillarde. Quelle misère d'en être réduite à porter plainte contre un bougnoule pour harcèlement au son des bâillements de policiers en train de commenter sur F de souche. C'est sur ces pensées que la cadence de notre protagoniste accéléra sans que celle-ci jamais l'inconscience de demander aide à un quelconque rare passant, car c'était tous des bougnoules. Ce n'est qu'après avoir bifurqué à l'extrême droite d'un carrefour miraculeux que l'espérance se présenta enfin. Une porte d'immeuble à code se refermait lentement dans un coin de rue que l'acharné Bico ne pouvait voir de surcroît. Ici s'engouffra Jennifer à travers l'entrée salvatrice dont elle accéléra vivement la fermeture ni vue ni connue. Ainsi entendit-elle derrière la porte. Le melon imbécile continuait à courir tel Forrest Gump en direction d'un 06 que jamais il n'obtiendra. Mademoiselle, attendez. Jennifer put rentrer chez elle, saine et sauve, et vota immédiatement Jean-Marie Le Pen. Elle se maria, eut des enfants blancs, et un jour en ville croisa son harceleur de la Toussaint, à sa grande stupéfaction. Il avait tenté de pénétrer par effraction au centre de vaccination pour avoir une 7e dose et protestait de sa voix mielleuse et sournoise, tandis que deux policiers l'emmenaient votre commissariat où un pénible interrogatoire attendait Daniel Conversano.